hippopotame. Ouh là là. Le Brix. Oh, allons. Allons. Tu m'as sûrement croisé dans la capitale. Elle veut qu'on fasse la paix en Tokyo style. Les gens se demandent si t'es l'official. Ok, je change de location. Toi, change ton boomer. Faut que tu changes de boomer. Ils ont voulu essayer, mais que des flammes. Je change de location. Toi, change ton boomer. Faut que tu changes de boomer. Ils ont voulu essayer, mais que des flammes. Sans toi, j'aime ce genre de sensation. Ton cœur, je peux toucher même sans contact. Elle veut que je tourne en rotation. T'es ma go, sûrement t'es la go. Si je passe l'anneau, jamais ça ne finira. Allons, tu m'as sûrement croisé dans la capitale. Elle veut qu'on fasse la paix en Tokyo style. Les gens se demandent si t'es l'official. Ok, je change de location. Toi, change ton boomer. Faut que tu changes de boomer. Ils ont voulu essayer, mais que des flammes. Tu changes de location. Toi, change ton boomer. Faut que tu changes de boomer. Ils ont voulu essayer, mais que des flammes. Ils se mettent à faire des blackouts. Tu me rends loco quand tu t'assois sur le moteur. Blackout, ils se mettent à faire des blackouts. Tu me rends loco quand tu t'assois sur le moteur. Ok, je change de location. Toi, change ton boomer. Faut que tu changes de boomer. Ils ont voulu essayer, mais que des fleurs. Je change de location.